essayer de prendre deux mas'alas. Ou trois. Tout d'abord, je voudrais répondre à la très bonne question que nous avait posée notre frère Faiz. Vaut mieux que j'y réponde tout de suite parce que sinon, on risque de l'oublier. Et c'était une très bonne question par rapport au hadith. Le hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit à Abdullah ibn Omar de récupérer son épouse et ensuite, lorsqu'elle deviendra pure, d'attendre encore une période de menstrues et ensuite qu'elle redevienne pure. Et là, s'il veut la divorcer, qu'il le fasse. Donc, après, il nous a demandé est-ce que c'est une obligation ou est-ce que on doit suivre le hadith, c'est-à-dire celui qui veut divorcer sa femme, est-ce qu'il doit laisser absolument une période de règles passées. والجواب الجواب يا إخوان أن هذا في حال donc ça c'est un jugement pour celui qui a divorcé sa femme alors qu'elle était en état de menstrue. Hein? Ça c'est un jugement pour celui qui a divorcé sa femme alors qu'elle était en état de menstrue. Là lui s'il l'a divorcée alors qu'elle était en état de menstrue, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui ordonne de récupérer son épouse. T'as et une fois qu'il l'a récupérée, lui, on lui dit que dès qu'elle devient pure, il faudra qu'il attende encore une période de règles. Puis ensuite, voilà, faut qu'elle devienne pure. Et une fois qu'elle devient pure, c'est là qu'il pourra la divorcer. Tamam. Mais c'est une masala khilafia. نذكرها بسريع إن شاء الله. قال مسألة يلزمه إذا راجعها وأراد أن يطلقها أن ينتظر حتى تحيض. هل يلزمه؟ est-ce qu'il est obligé pour lui que s'il la récupère et qu'il veut la divorcer qu'il attende qu'elle ait une période de règles puis qu'elle devienne pure. القول الأول إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. Le premier avis, il dit que c'est obligatoire pour lui, c'est-à-dire s'il l'a divorcé dans sa période de menstrue et qu'il l'a récupéré, c'est obligatoire pour lui qu'il laisse une période de menstrue, que lorsqu'elle sort de sa période de menstrue, qu'il laisse un autre cycle de menstrue, puis qu'il attende qu'elle s'en purifie. Et après, s'il veut, sans avoir eu de rapport avec elle, c'est là qu'il pourra c'est là qu'il pourra la divorcer. Non. وهو قول مالك وابي يوسف ورواية عن أحمد وهو الأصح عند الشافعي. Et c'est quoi leur preuve à eux? C'est le hadith d'Abdallah ibn Omar. طيب وكذلك من استنباطاتهم يقولون et aussi parmi leurs preuves ils disent que إن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوط لأنه المبغي من النكاح ولا يحصل الوط إلا في الطهر فإذا وطأها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر واعتبرنا ما ظنت الوط ومحله لا حقيقته. Donc ils disent parce qu'en fait pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام il a demandé que si elle devient pure, on laisse passer une période de menstrues. Parce qu'en vérité, il te dit que pour vraiment avoir la confirmation qu'il a récupéré sa femme, comment on va avoir la confirmation qu'il a récupéré sa femme? Qu'est-ce qui confirme? C'est quoi l'acte qui confirme qu'il a récupéré sa femme? Il peut le dire avec la parole, bilachek. Mais c'est quoi l'acte qui confirme qu'il a récupéré sa femme? Eh, hey, what? Le rapport intime. Donc, elle, si il la récupère pendant sa période de menstrues, elle va devenir pure. Dans cette période-là où elle va devenir pure, il se peut qu'il ait un rapport avec elle, puisque c'est ça qui va vraiment affirmer qu'il a récupéré sa femme. Me faut? Donc, à partir de là, il a un rapport avec elle dans la période où elle est devenue pure. À partir de là, lui, il ne peut plus la divorcer. Jusqu'à ce qu'elle ait une période de menstrues, jusqu'à ce que elle en sort et se purifie de cette période-là. Ma foi. Donc ça fait partie de leur réflexion sur la masala. Sans compter le dalil. C'est le dalil. C'est le dalil. وكذلك منها أيضا أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت تنبني على عدتها فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء واعتبر الطهر الذي هو موضوع الوطء فإذا نعم c'est à peu près la même chose aussi. Le fait que si là il la récupère, si là il récupère son épouse, tamam, il l'a divorcée dans une situation où il n'avait pas à le faire, c'est-à-dire pendant ses règles ou ses lochies. Quand il la récupère, si lui, Mada, si lui, il n'a pas de rapport avec elle, si lui, il n'a pas de rapport avec elle, jusqu'à ce que passent les moments précités, c'est comme si c'est comparable au divorce d'une femme avant qu'il y ait consommation du mariage. C'est comparable au divorce avant qu'il y ait consommation du mariage. Vous avez compris le qiyas, le raisonnement? Là, Là? Al-an, là, si, madame, si lui, il récupère sa femme, tamam, il la récupère. Eux, ils ont dit, bon, après, c'est une réflexion de leur part, ils ont dit que si là, il la récupère, mais il n'a pas de rapport avec elle, il la récupère et les périodes, par exemple, il l'a récupérée pendant sa période de menstrues. Après, elle sort de sa période de menstrues. Ensuite, madame, il peut la divorcer. Si c'est comme ça, en fait, ce qu'ils veulent te dire, c'est que si, dès qu'elle sort de sa période de menstrues, il peut la divorcer, ça sous-entendrait, ça viendrait au même que celui qui s'est marié avec une femme. Et qu'avant de consommer le mariage, il a talak. Tamam? Donc eux, ils disent, à la base, ça c'est détestable. À la base, c'est détestable. Al-Mohim, c'est des réflexions de ces savants, mais ce qu'ils ont évoqué comme dalil, ça nous suffit en fait. Le hadith de Abdallah ibn Umar, il nous suffit fil-bab. Et le deuxième avis, il dit que yajouz lahu an yutalliqa fi tuhr alladhi yali al-hayda. Elle l'a dit, Talakafi. Le deuxième avis, il dit qu'il peut la divorcer dès qu'elle devient pure de sa période de menstrues dans laquelle il l'a divorcée. C'est-à-dire, il a le droit de la divorcer juste après qu'il l'ait récupérée. Du moment qu'elle est sortie de sa période de menstrues, khalas, il a le droit de la divorcer. Ta maman, elle a vu le plus juste, il y a Ikhwan, Maho. Elle l'a dit, Ad-Dalil, le premier. Ça veut dire, celui qui a divorcé sa femme en état de menstrue, lui, il se doit de la récupérer en état de menstrue. Et même, on ira plus loin en disant que il est recommandé qu'il confirme cette récupération par un rapport. Par le rapport. Et après, si toutefois, après qu'il y ait eu un rapport, et qu'il y ait une autre période de menstrues qui arrive et qu'elle est passée et qu'elle s'est purifiée. Alors là, si toutefois il veut la divorcer, il est libre. Ouais. Et lorsqu'on dit que lorsqu'elle devient pure, c'est quoi le but visé, Juan? Est-ce que c'est l'arrêt, l'interruption du sang, ou est-ce que c'est le moment où elle s'est lavée? Le moment où elle s'est purifiée, Juan. C'est C'est le moment où elle s'est lavée. C'est-à-dire là, si le sang il s'arrête et que là, tu veux la divorcer, elle est encore dans sa période de menstrues. non, Ah. Manzila, elle est encore dans sa période de menstrues. Faïda Taharna. Jamil. Jamil. القول الأول أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم ليطلقها طاهرا انقطاع الدم وإن لم تغسل. Donc la première parole, c'est ceux qui disent que du moment que le sang s'est interrompu, ça y est, elle est devenue pure, même si elle s'est pas, même si elle s'est pas lavée. Tamam? Non. Parce que le prophète il dit, thumma liyutalliqaha tahiran. Et ensuite qu'il la divorce alors qu'elle est pure. Et eux, ils disent, la pureté, là, c'est juste que l'interruption du sang, même si elle ne sait pas, elle n'a pas pris ou elle n'a pas fait le grand lavage. Tamam? Taïe. Wakadalika, al-qawl al-thani, al-murad bihi, al-tatahur bil-ghusl. Wahia riwayatun an Ahmad, wa akhtarahu ibn al-Qayyim. Non. وهذا هو الصحيح يا اخوان سكو la femme il faut يعني qu'elle s'est pour qu'on dise qu'elle soit purifiée qu'elle est purifiée de sa période c'est qu'elle ait eu l'interruption du sang et aussi qu'elle se soit lavée qu'elle se soit douchée. Al-Muhim, on revient à la masala que je voulais prendre avec vous, ya اخوان, sur le fait que le talaq. C'est quoi le dalil en fait? Le dalil? Ah, je l'ai pas lu. Le dalil, le قوله طيب وحجة هذا القول ما أخرج النسائي نعم ما أخرج النسائي من طريق معتمر ابن سليمان نعم عن عبيد الله ابن عمر عن نافع في هذه القصة قال مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت في هذه اللفظة فإذا اغتسلت dans ce hadith qu'a rapporté l'imam al-Nasa'i, c'est explicite. C'est une version du hadith d'Abdallah ibn Omar, mais dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ordonne-lui qu'il récupère son épouse, et lorsque elle se lave, qu'il la laisse jusqu'à ce qu'elle ait encore un cycle de menstrues. Et ensuite qu'elle se lave de cette période de menstrues, de cette nouvelle période de menstrues, et ensuite, s'il veut la divorcer, qu'il la divorce. » Sans avoir eu de rapport avec elle. Non. هناك أقوال أخرى لكن صحيح هو هذا. طيب. الطلاق يا إخوان. On a dit le talaq. À la base, le talaq. À la base, le talaq, le divorce, c'est détestable. À la base, le divorce, c'est détestable. طيب. لكن lorsqu'on regarde bien, on voit que le divorce, il peut rentrer dans les ahkam al-khamsa. Il peut rentrer dans les cinq jugements. C'est quoi les cinq jugements? Qu'est-ce qu'on appelle ahkam al-khamsa, ya ikhwan? Hein? Alors, regarde. Naam. Eh, naam. Al-haram. Oh, al الوجوب أو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام yani ce qu'on appelle d'obligatoire, ce qu'on appelle recommandé, licite, détesté et interdit. Tamam. Donc le talaq, ça peut être, il peut être considéré de, en fonction des cas, de l'un de ses jugements. طيب الحالة الأولى يكون محرما في ثلاث صور. Donc le premier des cas, on dit le talaq il est haram, on dit le talaq il est interdit, formellement interdit, et ceci dans trois cas. الأول أن يطلق امرأته المدخل بها وهي إيش؟ أيوه وهي حائض. Donc le premier, le talak considéré comme interdit, le fait qu'il divorce sa femme avec laquelle il a eu un rapport, alors qu'elle est en état de menstrue. Deuxième, madame, que divorce, type de divorce qui sont interdits. Là, on a dit les menstrues. Ensuite, il y a un point. Hein? Et ouais, lorsque il a consommé ou il a eu un rapport avec elle, il lui est formellement interdit de la divorcer. Taïd. Et troisièmement, il y a un point. Ça, vous ne pourrez pas le trouver, ya ikhwan. Illa man tazawwaja bi akthar min wahida. Ça, vous ne pourrez pas le trouver, sauf pour celui qui s'est marié avec plus d'une femme. En même temps, là. Et ça, c'est une faïda que vous pouvez noter. Que celui qui a plusieurs femmes. Subhanallah. Celui qui a plusieurs femmes, avec lesquelles il partage des jours. Il n'a pas le droit de divorcer l'une d'entre elles avant qu'il lui ait accordé son temps. Il n'a pas le droit, il a formellement interdit. C'est dommage, il n'a pas évoqué le dalil. Donc vous avez retenu les trois cas. Taïb. Donc ça, c'est les trois cas où le talaq il est interdit, ya ikhwan. Al-hala al-thaniya yakunu wajiban fi suratayn. Le talaq, il devient wajib, il devient obligatoire dans deux cas. Le talaq, il devient obligatoire dans deux cas. Fi al-muli idha madat alayhi. إذا مضت عليه أربعة أشهر وأبى الفئة إلى زوجته أو الطلاق على مذهب الجمهور. Le talaq devient obligatoire si l'homme s'est séparé de son épouse, il s'est séparé de son épouse soit pour cause de voyage ou autre. En tout cas, il s'est séparé d'elle pendant 4 mois. Tamam. Et il ne veut pas revenir près d'elle. Ou il ne peut pas revenir près d'elle. Tamam. Si elle demande son haq, ça devient une obligation qu'il la divorce. 4 mois. C'est une masala khilafiyya. لكن كان الشيخ زايد يرى انها ان هذا الامر هو الصحيح. نعم. دوزيام كا او سا ديفيان اوبليغاتوار. الحكمان اذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورايا المصلحه في الطلاق وجب عليهما الطلاق. لي سكي الحكمان. الحكمة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ف si le juge, on est dans une terre d'islam مثلا, si le juge, il ordonne à deux personnes d'aller essayer de faire une réconciliation entre deux époux. Et ces deux personnes, lorsqu'ils rentrent dans le problème de couple, ils se mettent d'accord en se disant non, franchement, eux, ils sont pas faits pour être ensemble. Alors là, si ces deux... comment on pourrait les qualifier en français ? Non, non, c'est pas des tuteurs. Voilà, ces deux médiateurs, ils sont d'accord pour dire que le couple ne va pas ensemble, alors ça devient une obligation. On obligera l'homme à divorcer la femme. Tamam ? طيب الحالة الثالثة يكون مستحبا في سورتين. الطلاق devient recommandé et non plus واجب. Il devient recommandé dans deux situations. إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون غير عفيفة. Il est recommandé, le divorce est recommandé lorsque la femme a des manquements énormes dans les droits d'Allah Azza wa Jal, comme le fait qu'elle néglige sa prière, comme le fait qu'elle néglige sa prière ou autre, et que tu n'as aucun moyen de la contraindre, ou dans le cas où elle n'est pas chaste. Dans le cas où elle n'est pas chaste. Taban ya ikhwan, quand il dit dans le cas où elle n'est pas chaste ya ikhwan, hada la yatasawwar an hada mustahab yani faqat bal rubama yakun wajiban. Là quand il dit elle n'est pas chaste, c'est-à-dire elle n'est pas chaste dans sa parole. Hein, soit elle dit des grossièretés, soit elle dit des mots déplacés, ou soit elle a des contacts avec des hommes, des contacts qui ne conviennent pas. Tout ça, ça rentre dans la chasteté. Là, on dira, comme Cheikh Zayed l'évoque ici, que c'est mustahab, que c'est recommandé de divorcer. Si toutefois elle n'écoute pas, si toutefois elle veut en faire qu'à sa tête. Tamam. Là, si on parle de la chasteté, la base de la chasteté, c'est-à-dire qu'elle... Elle a des relations avec des relations sexuelles avec un autre homme, alors là ça devient presque wajib. Ça devient presque wajib de la divorcer si toutefois elle reste dans ce hal là. Si toutefois elle reste dans ce hal là. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa az-zaniyatu la yankihuha إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين أن ينكحوا يعني الزانيات من النساء. نعم. ويا إخوان أفيدكم بفائدة جميلة. أحد الإخوة أرسلها إياه أمس وهي فائدة جميلة. واحد من مشايخ مصر من الأزهر. نحن ما ننظر إلى يعني الشخص بذاته الكلام فقط. ها كلكان دي لازار بون vous savez que لازار يعني طبعا dans la عقيده ils sont plus اشعري qu'autre chose في الغالب dans la plupart des cas. Mais la parole de ce cheikh qui sort de cette école, de cet institut, elle nous intéresse parce qu'elle est pleine de vérité. Alors un jour il est parti en voyage aux États-Unis. Et on lui dit, ouais, votre religion, ou votre Seigneur, yadhlim al-mar'a. Votre Seigneur, il est injuste envers la femme. Lima, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que il vous promet à vous les hommes des hurul'in. Il vous promet à vous les hommes des hurul'in fil jannah, tandis qu'à elle, il ne leur promet rien du tout de ce genre. Il ne leur promet pas plusieurs hommes, plusieurs... Fait le cheikh, Allah il l'a wafaq sarahata. Allah il lui a donné une force dans la réponse. Il lui a dit, Taïb, arrête-toi avec moi 2 minutes, je vais t'expliquer une chose. Il lui dit, tout d'abord il faut savoir que la véritable femme, et ça, là on ne parle pas de religion, On ne parle pas de religion. La véritable femme, celle qui se respecte elle-même. Hein? La véritable femme, celle qui a été éduquée sur des bonnes mœurs. Elle n'acceptera jamais que plusieurs hommes passent sur elle. Hada aslan. Hein? Elle n'acceptera jamais que plusieurs hommes passent sur elle. Déjà, aslan. Le kafir, lorsqu'il a entendu cette parole-là, il a acquiescé. Ensuite, il lui dit, ça c'est déjà, si on parle de bilmantir, si on parle avec la raison. Ensuite, il dit, mais il y a une chose qui m'étonne. C'est que, là, dans vos pays ici, là, quand vous voulez faire en sorte que les jeunes se lâchent, qu'ils aillent assouvir leurs envies. Vous mettez dans les rues des barailles, hein. Vous mettez dans les rues des prostituées. Il leur dit, ces prostituées-là, qu'est-ce qui vous fait dire? Pourquoi vous craignez qu'elles rapportent des maladies? Donc l'Américain, la personne lui dit, on craint qu'ils rapportent des maladies parce que dans l'orifice de la femme, il y aura plusieurs liquides de plusieurs hommes différents. Et ça, ce mélange-là, ça provoque des maladies. Donc là, il lui dit, Taïb, ce mélange d'eau-là, que vous dites, ça provoque des maladies. Donc, là, vous voyez bien que la femme, en vérité, médicalement parlant, elle ne peut pas avoir elle peut pas contenir plusieurs liquides dans son orifice. Ou ça va lui faire du tort, ou ça va faire du tort à d'autres. La personne est la caisse. Et ensuite, il lui dit, à la fin, il lui dit quoi? Il lui dit, je vais aller plus loin. Si toutefois, les femmes, elles ont des envies comme vous l'évoquez. Si ces femmes-là, elles ont des envies. Pourquoi, de toute l'histoire de la création, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu un peuple qui a posé des hommes prostitués auxquelles les femmes, elles viennent faire ce qu'elles ont envie de faire. T'as même? Jamais dans toute l'histoire de la création, on n'a jamais entendu ça. Le kafir, il a acquiescé. Il lui a dit, ça montre que quoi? Ça montre qu'à la base, la femme, elle n'a même pas, elle n'est même pas tournée vers ça. Nous, on nous a enseigné dans le Coran que l'homme n'est pas comme la femme. L'homme n'est pas comme la femme. C'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il a donné cette récompense-là aux hommes khassatan, et il l'a pas donné aux femmes parce que les femmes aslan, elles ont pas besoin de ça. Tamam. Fa yani, c'était une faïda jamila que un frère m'a envoyé ams. Fa afadtukum biha fi hadha al-mawdu'. Donc la femme qui il reste combien de temps avant la salat? 3 minutes. Donc la femme comme il dit qui n'est pas chaste, bien sûr, c'est pas la grande chasteté que l'on parle. Donc le divorce est recommandé. Taïb. Deuxième cas où le divorce est recommandé, an takuna mutabarrara la tastati'u al-baqa' ma'a wa ta'ashuruhu wa ta'ashuruhu bil ma'ruf. Le deuxième cas où le divorce est recommandé, c'est lorsque la femme elle est acculée. Lorsque la femme, elle est acculée, c'est-à-dire elle ne peut pas rester avec lui. Et elle ne peut pas lui donner, elle ne peut pas cohabiter avec lui d'une bonne manière. فَهُنَا الْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَإِنْ كَانَ يُحِبُّهَا. Et là, ce qui est recommandé pour lui, c'est qu'il la divorce. C'est qu'il se sépare d'elle, même si il l'aime. Même si il l'aime. وَلَا يُضَارُّهَا حتى ترد عليه ما امهرها. Et il ne doit pas essayer de lui faire du tort de manière à ce qu'elle lui rende ce qu'il lui a donné comme dot. لقوله تعالى ولا تعضلوا نعم ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الآية. طيب انتهينا. الحال الرابعة الحال الرابعة يكون مباحا le divorce dans le cas où il est licite عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. Donc là, il te dit, lorsque, là c'est le talaq qui devient licite, lorsqu'on en a le besoin, lorsqu'on en ressent le besoin, soit par rapport au mauvais comportement de la femme et à sa mauvaise cohabitation. Mais, bon, Cheikh Zayed, il a dit ça, mais al-haqiqa, ça peut rentrer dans le mustahab. Ça peut rentrer dans le mustahab. Yani, sous le khuluq, le fait que la femme elle a un mauvais comportement, ça peut être considéré comme... Enfin, ça peut rentrer dans le talaq recommandé. Et pas seulement licite. Plutôt, le talaq qu'on appellerait licite, le talaq qu'on appellerait ou qu'on considérerait comme licite, c'est le talaq que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu faire avec qui, Yahya? Saouda. Avec Saouda. Parce que Saouda, ni elle avait un mauvais comportement avec le prophète, alayhi salatu wassalam, ni elle avait des manquements. Mais le problème, il était que le prophète, sallallahu alayhi wasallam, il avait peur de lui faire du tort. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, il avait peur de lui faire du tort par rapport à quoi, Yahya? Elle était âgée, il ne pouvait pas lui donner son haq. Voilà, par rapport au fait qu'elle était âgée et il ne pouvait pas lui donner son droit comme il le donne aux autres. Donc il a craint d'être injuste envers elle, il a préféré ou il a pensé la libérer. Naam. Tayyib al-hal al-khamisa yakunu makruhan. Le cinquième. Allahu akbar, Allahu akbar. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar. Inch'Allah, on est tafi bi hadha al-qadr. Allahu akbar.